Après l'avoir fumé jusqu'au filtre, j'ai jeté le mégot de Marlboro à la poubelle, ouvert à M. Maréchal. Les absous du crime de tapage nocturne, et comme j'étais de bon poil, grâce à Mme Roberts, je lui demandais s'il y aurait de la quiche au repas de demain midi. Puis je suis allé m'asseoir à la table et me suis mis au boulot parce que cette idée d'écrire une belle œuvre, absolument, avant de crever, elle ne m'avait pas quitté. C'est tenace, pire qu'un bigorneau, une idée pareille. Tu te réveilles avec, mais tu t'endors aussi avec. Et même des fois, elle revient pendant la nuit, au beau milieu d'un rêve, qui t'a filé la trique, et tu ne sais même plus qui a fait bander qui, ni pourquoi. Donc je me suis mis à la besogne. La matière première ne manquait pas. J'en avais de l'épaisse, de la solide et remuante que j'ai mise en ordre sur des fiches de carton piquées à la bibliothèque. Une longue liste, qui allait de l'enfance à la vieillerie, mais dans un grand désordre de bonheur et de malheur, de coups reçus et donnés. Mon pote Zizou et Colette la frangine, qui jamais ne m'avait abandonné, la guerre des gangs, les escapades en terre sauvage et les ruelles de Paris à la brune, le pinard chez Nordine, mon bras de fer avec Michel Houellebecq dans un bordel de Pattaya, le court séjour en désintox, et celui beaucoup plus long à Sainte-Anne, où l'on avait tenté sans succès de me guérir d'une mythomanie galopante, et plein d'autres choses qui reviendraient sous la plume, en gueulant de ne pas les oublier, parce que les souvenirs, croyez-moi, ils sont braillards et jaloux comme des poux. Fallait juste mettre un peu de discipline dans tout ce fatras, coller un pseudo à Houellebecq pour éviter le procès, faire l'impasse sur la mythomanie, trouver un style qui soit raccord. C'est important le style, bah oui. Tu peux pas te bastonner à l'imparfait du subjonctif si t'es pas au moins mousquetaire du roi. Et la forme est encore plus importante. L'édification du bâtiment, je veux dire, faut écarter des standards, bousculer la chronologie peinarde et soporifique mais qui bouffe du chapitre, prendre le risque de t'embrouiller les pinceaux, faire se croiser des personnages qui ne sont pas encore nés avec d'autres, qui sont morts depuis un bail, dans un train qui fonce vers une gare que tu ne connais pas mais qui existe, elle est là, minuscule, planquée derrière la bibliothèque municipale, et sur le quai tu vois Madame Roberts qui attend, assise bien sagement, son grand sac de toile en bandoulière, et sur les endosses un manteau gris, plein de flotte, car il a plus des cordes, et t'as envie de la faire monter dans le train, parce qu'elle est ta madone des sleeping. Mais une petite voix te dit que ce n'est pas une bonne idée, cette histoire d'amour sous Prozac, alors tu te méfies. C'est à cause du Prozac, si j'ai tant de méfiance. Pendant une semaine entière, je me suis abstenu de fréquenter la bibliothèque municipale, et cela m'a coûté, car la décision m'interdisait toute nouvelle opportunité de revoir Madame Roberts. Dehors comme dedans, il faisait beau et chaud, la chaudière ne ronronnait plus, le lecteur se faisait rare, donc je me mis à arpenter les rues de la ville, matin et soir, et cette escapade, en revanche, ne me coûta pas beaucoup d'efforts, même pour un marcheur d'occasion, parce que la ville est petite, resserrée sur elle-même, cernée de remparts encore solides malgré les ans, tu dirais une prison à ciel ouvert d'où personne ne s'ébade. Le genre de prison qui inspire les commentaires chaleureux des journalistes, une ville sans histoire où tout le monde se connaît, qu'ils disent, ce qui est fort exagéré. Cependant, l'espoir d'y rencontrer Madame Roberts était grand. Je l'avais déjà visitée plusieurs fois la ville et elle m'avait charmé immédiatement par son calme apaisant, sa grande douceur de vivre et son esthétisme moyenâgeux qui effleure bon la cerboise et l'hydromel. Sa population marginale n'avait rien de comparable avec celle que j'avais connue à Paris. Les clochards, que l'on ne devait plus appeler clochards mais SDF, étaient peu nombreux et presque tous vêtus proprement, parfois même luxueusement, car les services sociaux veillaient au grain, exigeant une tenue correcte généreusement offerte par le Rotary Club et autres associations. Aussi n'était-il pas rare de croiser Momo sur son parcours de manche en Polo Lacoste et Mocassin Verni. Mais il fallait faire vite, parce que Momo, qui avait oublié d'être con, qui connaissait les mille et une astuces de sa profession, savait pertinemment que les loques crasseuses attirent mieux les petites pièces jaunes qu'un Polo Lacoste, qui lui n'attire que des larmes de crocodile, et le passage des unes à l'autre se faisait rapidement, dans les deux sens. Momo était un roi de la cloche qui avait sa cour des miracles, une cour avec étiquette et déontologie. C'est lui qui distribuait avec bienveillance mais autorité les postes stratégiques, ceux qui remplissent le carton plus vite qu'un bandit manchot, se réservant bien sûr les meilleures places. En situation, le roi et sa cour arboraient toujours des bouteilles d'eau minérale, bien en vue, des bouteilles pleines et qui le restaient, les bouteilles qui le soient venues comme à Cana se transformaient en vin. C'est bien là le seul miracle qui eut jamais lieu à la cour. Momo, il était aimé sans retenue par les dames patronesses qui le couvraient de bienfaits et de Paul Lacoste, et personne n'en connaît la raison. Quant aux invasions barbares qui nous avaient terrorisés, qui avaient tué Zizou, ici elles étaient représentées par un tout petit groupe de jeunes, garçons et filles à parité, plutôt discrets et non violents. Sans doute la branche abattardie de cette fausse aristocratie du bitume qui avait régné sur Paname en des temps qui me semblent déjà anciens. La ville avait une autre particularité. Ni au bord de la mer, ni à la montagne, elle attirait le visiteur par son architecture médiévale, ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et bien sûr ses remparts. On ne venait pas ici pour se faire bronzer la peau des fesses, ni tracer des sillons dans la poudreuse. On venait ici pour visiter l'histoire. Si bien que, n'étant assujettie ni au soleil ni à la neige, elle recevait toute l'année des hordes de touristes, à la grande joie des commerçants et peut-être aussi de Momo. J'avais rapidement joui de ce statut spécial qui me permettait bien des folies, dont la principale consistait à me costumer en touriste, de porter sandales, shorts, bananes ventrales et casquettes du Crédit Agricole, débonnaire à souhait, le pas nonchalant mais assuré d'un cadre à la retraite, et je trouvais jubilatoire de déambuler ainsi les mains dans le dos, sans beaucoup de fric en poche mais l'âme satisfaite, devant les terrasses bondées d'une ville au parfum de fêtes perpétuelles. Sauf cette semaine, qui vit s'effondrer comme château de cartes mon espoir de rencontrer Madame Roberts. Et je m'en voulais d'avoir déserté la bibliothèque, un lieu certes aléatoire, mais le seul capable de m'offrir une chance de revoir mon petit moineau défait. J'étais dans le même état d'esprit que l'amoureux qui a rendez-vous avec sa belle devant la mairie, puis, ne la voyant pas venir, décide d'aller à sa rencontre et regrette aussitôt sa décision. Le dernier soir, je rentrai au bercail la mine sombre, le cœur en berne et la tête pleine d'une rage vengeresse qui s'abattit sur Madame Bron. Il était un peu plus de minuit quand je frappai violemment à la porte de la Pipelet. « Qui est-ce ? » demanda-t-elle. « Bah, c'est moi, » répondis-je, « le locataire du 6e, première porte à gauche en sortant de l'ascenseur. Je rentre. » « Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? » répondit-elle hargneuse. « Bah, ma foi, vous êtes la concierge, non ? Vous devez savoir qui entre et qui sort dans l'immeuble. » « C'est pas un bordel ici, merde. » Puis je grimpai chez moi, sans attendre, et me versai une rasade de rhum vieux dans un verre à bière. J'aurais donné beaucoup pour y mélanger du Prozac et de la 1664, me faire ce cocktail réconfortant que Raymond appelait une torpille. Mais le Prozac, il se cachait au fond d'un sac de toile, sous un paquet de Marlboro. Je m'endormis à table juste au moment où M. Maréchal allait pisser. Le lendemain était un dimanche, donc pas de bibliothèque. Je me mis au travail sur un cahier spirale grand format, comme celui de Madame Roberts, mais sans les fleurs, et dans la main droite, celle qui n'avait pas été becquetée par les piranhas, un stylo bleu parce que j'aime bien le bleu. En fin de matinée, je n'avais pas aligné plus de 3 phrases. Les éléments étaient tous là, pourtant, dans les starting blocks, prêts à bondir, à jaillir du stylo bic, pour s'étaler en bleu sur la première page blanche du cahier. Mais la tête ne suivait pas, se refusant migraine à participer à l'édifice de l'œuvre, cette belle et grande œuvre, absolument, qui n'avait d'autre but que celui d'épater les gosses que je n'aurais peut-être jamais. C'est la fin du chantier, semblait me crier la voix coléreuse de Madame Bron, qui n'avait pas un jour de répit, pas même le dimanche. J'en aurais chialé. Dès le mardi matin, je repris le chemin de la bibliothèque municipale, tout empli d'un optimisme béat. Tu vois un peu, le cœur battant la chamade, l'esprit du grimpeur de montagne qui ne doute de rien, surtout pas du mauvais temps. Une grosse pluie, par exemple, et des bourrasques de vent, qui soulèvent tout sur leur passage et projettent à l'intérieur du salon de lecture un petit moineau défait. Madame Fargeau fut un peu surprise de me voir débarquer après une semaine d'absence. Elle me salua gentiment, me demanda comment j'allais et pourquoi cette infidélité. Depuis qu'elle m'avait vu pleurer, Madame Fargeau n'exprimait que de bons sentiments à mon égard. Et peut-être que si j'avais insisté ce soir-là, chialé plus longtemps, elle m'aurait serré contre elle et caressé la joue tout en douceur. Vrai, on peut tout espérer d'une dame qui consacre ses journées à classer des petites fiches en carton. Je lui fis une réponse évasive mais polie. Pas question de lui confier mes tourments et encore moins de lui en expliquer l'origine. D'ailleurs, comment aurais-je bien pu lui expliquer ce que je ne comprenais pas moi-même? Cette histoire d'amour à sens unique, puisque rien dans le comportement de Madame Roberts n'avait pu me laisser entrevoir une ouverture, me rendait tantôt désemparé, tantôt combatif. D'abord victime pressentie de la roulette russe, et ensuite guerrier vainqueur qui a pris des risques, avec la conviction chevillée au corps qu'il y a dans toute rencontre amoureuse un danger sournois, planqué derrière une dune, dans un désir affectif, surtout quand on est affublé d'un palpitant sec ratatiné comme une vieille pomme. Déjà, je souffrais de ne plus voir un visage entreaperçu dans la pénombre, puis observé en douce derrière l'écran de fumée d'une Marlboro. J'étais en manque de Madame Roberts. Ce jour-là, je plongeais dans un essai scientifique sur l'insomnie, un petit galet de 30 pages, et je m'endormis aussitôt car le remède était à la première page. Je ne fus pas trop dérangé par les voisins, normal, un mardi matin ou au printemps. Il n'y a pas foule dans une bibliothèque. Les bouquins se feuillaient en silence, religieusement. On dirait que chacun est venu finir sa nuit, les gens à la retraite ou bien les égarés. Même Madame Fargeau, qui ne brille pas par une activité débordante, semblait ce jour-là comme en convalescence de fiches cartonnées. De temps à autre, un petit bruit familier venait troubler le silence monacal du salon rouge. C'était celui du distributeur de boissons qui échuintait du café serré dans des gobelets en plastique et embaumait l'atmosphère d'un parfum venu d'Arabie. Vers 11 heures, je relus en diagonale le roman d'Émile Ajar. Je voulais m'assurer que l'aventure amoureuse entre l'ancien boxeur et la chanteuse réaliste n'était que le prélude à une grande histoire d'amour entre la chanteuse réaliste et un vieux juif qui avait fait fortune dans la confection. Je n'étais ni juif ni fortuné mais vieux, alors je pouvais m'identifier sans peine et c'était bonnard. L'après-midi ressembla au matin comme deux gouttes de café serré. Je rentrai chez moi en flânant par les rues avec l'espoir d'y rencontrer Madame Roberts, un espoir entretenu par les propos de ces journalistes qui affirment qu'ici tout le monde se connaît, oui da. La province, c'est un club de vacances. Pendant ma semaine de vadrouille, je n'avais rencontré personne de connu, pas même Momo, qui avait sans doute déserté le club de vacances pour aller travailler ailleurs. Dans le hall de l'immeuble, Madame Bron faisait reluire les boîtes aux lettres à la cire d'abeille. Un peu en colère, je lui dis « C'est piscopie, tous des menteurs !» La nuit fut calme, la chasse d'eau de M. Maréchal très raisonnable. Au répondeur téléphonique, ma sœur Colette m'expliquait avec force détail que Joseph, son petit dernier, avait eu un accident de moto. Pas bien grave, mais la bécane est foutue. Bonne pour la casse. Et comment vas-tu, petit frère ?